histoire sans égard, mon passé que tu enterres. Demain tu diras pourquoi n'ai-je pas vu les pièges. Emporté dans l'odieux manège, des rancœurs, des frayeurs, des malheurs au cœur de l'amour amer. Des nuits noires, des déboires à la gloire, des plaisirs éphémères. J'ai beau prêcher dans le désert, comment me taire. Tourne la terre comme les hommes, à refaire encore les erreurs de nos pères. On mord toujours la même pomme, et le serpent danse alors que l'on s'enferme. Sortir de la ronde séculaire. Dans mon ombre, les décombres des jours sombres, tu trouveras la lumière. Ce sont mes travers qui t'éclairent. Comment me taire. Tourne la terre comme les hommes, à refaire encore les erreurs de nos pères. On mord toujours la même pomme, et le serpent danse alors que sans faire dans les erreurs d'hier. Dans les erreurs d'hier. J'accuse mon père. Tourne la terre comme les hommes, nous sommes la somme des erreurs de nos pères. On mord toujours la même pomme, et le serpent danse alors que l'on s'enferme.